Lettre 97e, Tiridate à Constantin, Armida, mars 305. Les grands événements qui se préparent à Nicomédie et qui peuvent avoir des suites importantes m'ont engagé à me rendre en Bithynie où je compte arriver dans 8 jours. La faveur et la puissance du César Galerius ont jusqu'ici protégé et soutenu mes droits. Il se peut que le futur Auguste conserve les mêmes intentions, mais il est possible aussi que la politique ou quelque autre motif l'indispose, et je crois qu'il est à propos de toute manière que je sois présent à la grande catastrophe qui changera peut-être la face de l'univers. Quoi qu'il en soit, je n'ai nul besoin, je crois, de te recommander les droits incontestables d'un prince sur le trône de ses ancêtres. Ta façon de penser, ton équité et ton amitié me sont de sûrs garants que tu ne les méconnaîtras jamais et que tu les respecteras. D'après cette certitude, je puis t'assurer avec sincérité que je regarderai comme un bienfait du sort si au milieu des changements qui vont arriver, tu obtenais une place qui te mit à même de soutenir l'Empire romain et de lui assurer par ta sagesse la tranquillité dont il a joui sous le règne de Dioclétien. Ma chère Calpurnie m'accompagne. L'espoir de revoir sa famille et ses amis remplit son cœur de la plus douce joie. Nous sommes déjà à Armida, comme tu le verras par la date de ma lettre, et par conséquent sur les frontières de l'Empire. Du moment que Calpurnie et mon fils, qui est aussi avec moi, seront remis des fatigues du voyage, nous nous remettrons en route et j'espère que, sous peu de jours, nous pourrons t'assurer tous les deux combien nous t'aimons.